Yeah, vengeance. Célébration, civilisation, consommation, réhabilitation. Renonciation, récréation, négociation, quelle gueule de con. Méditation, rechutation, humiliation, dissociation. Émotion, dépréciation, conciliation, dépression. Yeah. C'est pas parce que t'as gros cup là, ils font enfin trop. Yeah, c'est pas parce que t'as gros cup là, ils font enfin trop. On me traite bien d'imbécile, pourtant ma vie je la file. Plus envie de m'ouvrir les veines, j'ai quasiment plus de la peine. J'ai arrêté de faire le con, j'ai eu mon augmentation. J'aime mieux faire de la consommation plutôt de la méditation. J'suis qu'un auteur chronique qui vous lit ses articles. T'as peur de causer des malheurs, j'pousse plus, pis j'ai plus peur, j'ai de la notec notrolique. Mental, psychologique, y'a fait pas tout un pique-nique. Rendu que c'est tout que j'pratique. Mais pourtant, oui, j'consomme, j'veux pas avoir l'un d'un bum. J'me saoule souvent au rhum, du pot avec toutes mes chums. Toi pis moi, c'est rendu qu'on est rivalisé. On s'parle plus comme avant, pourtant c'est peut-être mieux maintenant. Message démon, que même si j'ai de la con, parfois je pète le feu comme d'autres, je me prends trop au sérieux lors des consommations quelconques. Consommation quelconque. Yeah, oui, c'est à toi que je parle, hater. Fuck you, je te regarde de plus à haut calé dans le fond. Fuck you, je commence à réaliser que ton art d'été, c'est sans pitié, fait que c'est réglé, fait que j'ai continué, oui, de rapper sans me soucier tes hosties de jalousie. Fuck you. C'est l'heure de ma vengeance. C'est l'heure de ma vengeance. J'ai assez de causes de crimes partout dans la ville. Les petits culs me regardent en se faisant des lignes. Le sang encore coule sur la machine. J'te regarde en te faisant une binge. J'sais pas où t'étais chercher ça, mais j'aime ce que j'fais pis j'm'en sacre de tous tes bas. Des pop idéaux, ça j'en vis, oui j'ai pris. Pour que tu me laisses vivre ma vie enragée. Continue à rapper, pas j'en ai encore à décrire. Rager, pas tu veux pas comprendre que le pire. C'est que même si je meurs de pas ton rire, je laisserai jamais tes modes de fucking comment à m'envahir. J'suis transpiré, j'suis à mon cœur en débris, mais j'm'en colle dessus tes histoires de fifi. Yeah, moi j'te gars, j'vis. Tout comme toi, oui j'écris de mon mal, j'continue. Ben oui, je cale, j'vais caler les raies jusqu'à temps que ça te blesse. J'vais continuer de rapper jusqu'à temps que tu te sens coincé. Tu sens depuis tes veines, parce que t'es trop en calvaire. De subir ce mal que tu sens jusque dans tes veines, tu mangeras de la merde. Tu boiras ma piche, je te souhaite juste d'être en merde. Femme dans ta gueule, mon petit Chris, yeah. Si j'chante cette tune là, c'est j'en ai plein mon cadre. Pourrir ta vie, pour vrai t'es pas un badass. J'ai ma revanche avant le monde, des mots de marde ou jambon. Le temps n'agrandit sous mes yeux, j'fais juste te tuer à petit feu. Je vais vivre très prudemment, oui parfois j'vais être méchant. La seule fois j'vais être un bum, ça va être dans cet album. Pis c'est tout quoi à dire, j'pense que là-dedans c'est toi le pire. T'as pas compris la poème au jaloux, fait que c'est moi qui tiens de haut. Va te faire comprendre ce que j'veux dire, tu vas voir de toi mourir. J'suis à mon intelligence, grâce à toi c'est ma vengeance. Yeah, va te faire comprendre ce que j'veux dire, tu vas voir de toi mourir. J'suis à mon intelligence, grâce à toi c'est ma vengeance. Yeah. C'est ma vengeance.